طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألكم je vous interroge ce qu'on a appris في الدرس السابق dans le cours précédent. هذا ما اسمه؟ Comment ça s'appelle? هذا نعم اسم إشارة أحسنت. وماذا يفيد هذا؟ À quoi ça sert? هذا pourquoi il s'emploie? نعم pour désigner une chose, pour indiquer une chose. نعم ثم هذا متى يستخدم؟ ماذا هذا؟ À quel moment on l'emploie? Le mot هذا بذاته en lui-même. هذا on l'emploie pour quel genre de chose? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'âme. Hada, hada. Laisse-la fima. Hada. On l'emploie pour indiquer quel genre de chose. Masculin. Aïwa. Muzakkar, Mufrad. Et Atambi aussi, un truc que j'ai oublié de dire hier, c'est Muzakkar, Mufrad. Et aussi pour une chose qui est proche. Karim. Hier, j'ai oublié de dire ça. Vous voyez? Pour une chose qui est proche, tu indiques une chose qui est proche de toi. T'emploie le mot هذا. فكنا هذا اسم الإشارة للمذكر المفرد القريب. طيب القريب. طيب. من يعطينا مثلا من هذا؟ كي نودنا ان اكزومبل. تفضل. هذا باب. هذا باب احسنت. تفضل انت عندك. هذا حائط أحسنت شيئا مئة. طيب ثم أخذنا أيضا ما نقي également ما ما ما هو c'est quoi ما حرف ما حرف جار وعليكم السلام حرف الاستفهام حرف الاستفهام اسم استفهام أحسنت نعم اسم استفهام. طيب الآن وجه السؤال إليك. Maintenant la question revient vers toi. ما استفهامي متى يستخدم؟ Quand est-ce qu'on l'utilise؟ أيوة. T'interroges quoi؟ À propos de quoi؟ Là maintenant je viens avec ta réponse tout à l'heure. La réponse que tu as fait pour اسم إشارة, c'est maintenant que tu la donnes. Ah oui, pour poser une question sur quelque chose qui n'a pas d'amour. أيوة. عيل عقل, comme on a dit. تفعل عن غير عاقل نعم شوف كي نبا دو ريزون. طيب و ما هو في كوا هذا كذا حرف استفهام حرف استفهام احسنت. وما اسمه في كوا اسمه اكزاكت حمزة نعم حمزة الاستفهام. ما هو الجواب من سؤال مقدم ب أ؟ Quelle est la réponse qui sera inclue par une question posée par أ؟ Comment viendra la réponse؟ Implique oui ou non؟ Non. Implique un نفي ou إثبات، négation ou une affirmation. On a appris aussi بعض كلمات جديدة، certains mots. مثلا. Et on va les prendre inchallah الآن dans les corriges des exercices. طيب. Donc première question, Yakul, avec la première image, Surah al-Oula, Ma hada? Indek, Abdel Kader. Ma hada? La première. Naam. Hada miftah. Naam, hada miftahun. Thumma, ma hada? Hada kitabun. Naam, hada kitabun. Salis, troisième, Ma hada? Hada kalemun. Naam, hada kalemun. Thumma, rabia? ما هذا؟ هذا باب. نعم. ثم خامس ما هذا؟ هذا بيت. نعم. ثم السادس ما هذا؟ هذا كرسي. فتلك الشوز أسم مسكولين. كلي أنعب مفتاح مسكولين. كتاب وعليكم السلام. Kitab, Qalam, Kitab c'est livre, Qalam c'est le stylo, Bab la porte, et Bab en arabe Muzakkar masculin, Bayt en arabe c'est masculin kazalik, comme on dirait maison, et chaise en arabe on dit kursi masculin kazalik. Tayeb. On avait dit le 2 aussi. Tayeb. Maintenant le deuxième exercice c'est avec Hamza. Hamza tout l'istifham. طيب سؤال اول هذا بيت لا première image من الاخير رجب لا تفضل عندك لا هذا مسجد نعم لا هذا مسجد comme on a dit une réponse avec une affirmation ou une négation voilà il indique est-ce que c'est une maison non c'est une mosquée هذا مسجد ثم سورة ثانية la deuxième image أهذا مفتاح لا هذا قلم نعم لا هذا قلم ce n'est pas une clé c'est un stylo أهذا قميص نعم هذا قميص نعم هذا قميص يعني dans leur اصطلاح dans leur terminologie à eux en vrai ça c'est une chemise pas un قميص mais bon c'est ce qu'ils vont vous dire par là ils vont vous dire un قميص hein le terme qamis en lui-même là il y a le qamis c'est long, c'est un vêtement qui est long qui vient jusqu'au ça vient du cou jusqu'au mimolet ou peut-être en dessous si on le coupe pas quoi. Mais je veux dire une chemise c'est quelque chose de court tu vois, ça rentre pas dans le en fait c'est, le chemise c'est un vêtement nouveau tu vois le qamis ça existe depuis longtemps dans le Coran il est cité in kana qamis ou kudda min dhulin ou kazim. Non. Et eux ils ont mis ça sur chemise, mais en vrai kamis c'est le marlouf kamis. Voyez. Hada najmun. Andek Abdel Kader. Naam hada najmun. Naam hada najmun. Mon troisième, on le fait ensemble. Tamrin Salih. Ikra waktub. Ikra, ça c'est. Fir am, c'est un verbe. Un verbe. Impératif. Li. Wa. Uktub. C'est faire am kazalik. C'est un autre verbe, un impératif. C'est un ordre. C'est li. Et écrit. Li et écrit. Les verbes, ça vient, Inch'Allah, dans leur chapitre. Mais vous allez souvent voir des verbes dans ce livre. C'est deux verbes. Ikra. Waktub. Li et écrit. Voyez. Man yakra. من يريد أن يقرأ أنت تفضل كله هذه قطرة هذه فترة اقرأ واكتب هذا مكتب هذا مسجد هذا قلم هذا سرير ما هذا هذا كرسي أهذا بيت لا هذا مسجد ما هذا هذا مفتاح نعم طيب الآن سندخل في اسم استفهام جديد on va prendre un nouveau nom interrogatif un nouveau pronom interrogatif c'est man طيب man on a dit que ma il s'emploie pour un objet une chose démunie de raison d'âme ben man c'est contraire c'est pour une chose qui a une âme par exemple pour un homme un enfant une femme طيب pour un, comme on dit man اسم استفهام لعاقل طيب كم وديع من اسم اسم الاسم للعاقل طيب ما اسم الاستفهام للعاقل طيب مثلا premier exemple il dit man hada. Cette fois-ci il dirige sa question vers un être humain. Man hada al-jawab, la question c'est hada tabibun. طيب هذا طبيب. تعرفون معنى طبيب؟ طبيب شو يعني طبيب؟ attention la différence entre طبيب et docteur comme ils disent. طيب docteur à la base c'est un mot qui n'est pas arabe. Deuxièmement docteur c'est pas forcément un طبيب. Docteur c'est quelqu'un qui a obtenu un doctorat. C'est un niveau de diplôme. Et c'est pas forcément dans la médecine, ça peut être dans d'autres domaines. Aujourd'hui dans la science religieuse par exemple, tu vas trouver des dakatira. Ah. C'est pas forcément un médecin. Mais tabib, c'est propre à la médecine. Et c'est un mot fasha. Et c'est min asma illa. Tabib, c'est parmi les noms d'Allah. Non. Tabib, min asma illa. Sabit, comme on dit dans un hadith authentique. Tayyib. Ensuite, il montre man haza. Tayyib, man haza. Hada waladun. Voyez, walad, enfant. Et enfant, c'est aqil. Même si l'enfant, on sait que n'importe quoi, tu vois. Un enfant, c'est aqil. C'est-à-dire une créature munie d'une raison, d'une âme. Voyez. Et walad, faut savoir que ce n'est pas forcément. C'est un mot masculin, mais qui englobe aussi le féminin. Mathalan, hada walad. Et si une fille venait, une bite venait, tu peux dire oh, Hada Walad Kazalik. C'est un enfant. Mais souvent, on emploie Walad sur le garçon. Mais Walad, ça rentre aussi sur les filles. Vous voyez, c'est un mot général quand on englobe les deux. Ça t'écoule Hada Waladun. Ensuite, la troisième image, Man Hada. Comme on voit la description, on voit un jeune garçon avec une sacoche, un cartable. Donc on en déduit que c'est un étudiant. Naam. Ça se dit talib. Tayyib, hada talibun. Tayyib, hada talibun. Talib c'est l'étudiant, naam. Ensuite il nous montre un homme grand, adulte. Donc il dit e hada waladun. Al-jawab, là maintenant on est revenu avec Hamzat al-istifham. Donc, al-jawab, kulna, on a dit c'est où nafi ou isbet, c'est où une négation ou une affirmation. Donc il dit, hada waladun, est-ce que c'est un enfant? Al-jawab, la, hada rajulun. Non, c'est un homme. Un adulte. Enfin, rajul, c'est un homme, un adulte. Donc maintenant on a compris la différence entre man, ma et a. Voyez? Man, c'est ism istifham lil aqil. Ma, ism istifham li ghayr aqil. Wa a, harf istifham, tayyib, li nafi ou li ithbat. Faut une réponse avec une négation ou une affirmation. Donc là, il expose d'autres exercices. Et il dit, première image, ma hada. Hada masjidun. Voyez, on est revenu à ce qu'on disait au début. Ma hada, hada masjidun. Qu'est-ce que cela? C'est une mosquée. Deuxième question. Man hada. Yakul, hada tajirun. Tajirun, c'est le commerçant. Voyez, le commerçant, forcément, aqil. Voyez, tajir, aqil. Donc on dit man. Tajir, c'est le commerçant. Thumma. La deuxième image, Hada Kalbun. Kalb, c'est le chien. Voyez, Kalb, c'est le chien. Kalb, Aqil, ou Ghayr Aqil. Aqil. Kalb Aqil. Ghayr Aqil. Aqil. Aqil. Aïe, ouais. Tu rentres le chien dans ce qui me dit une raison. Non. Taïnam, toi tu veux non, dire Al-Wah, je pense pas que tu voulais dire. Non, non, c'est une farf, il a une âme, mais, enfin, du moins, il a le souffle de vie. Cependant, c'est, comme a dit Ibn Qadir, Jazakallahu khayra, Ghayr Aqil. Le mec qui comprend les choses, mais il n'est pas comme un être humain. Non, yep, il n'est pas comme l'être humain. Non, donc, si tu vois un chien dans la rue, hey, tu dis man hada. Tu dis ma hada. Hada kalbun. Toyeb. Summa en dessous, il dit eh hada kalbun. Avec une nouvelle image d'un nouvel animal. Eh hada kalbun. Le jawab, la. Hada kittun. Toyeb, kittun. Kitt, c'est le chat. On dit aussi hir. Toyeb, hir. Toyeb, c'est aussi un chat. H, H. H, après. Là, H. Comment on voit là-bas? Comme ici. Ça ressemble à H. H. Comme le Hamza. Ah bon? Bilha. Aïe, va. Comme ça. Hirun. Mathalan, Abu Hurayra, c'est pris de ce mot-là. Hir. Abu Hurayra. Tu l'apprendras dans les dans le tafrir, dans les noms qui diminutifs. Ça vient de hir. Tu dis hirra ou hir. Et chez un dragé, ils disent bis. Ça veut dire le chat. Vous voyez, si tu entends bis, ça veut dire le chat. Aussi vu pour ça, je suis pas au courant, j'ai pas vu. Tu vois. En tout cas, ils disent beaucoup bis. Tu vois. Où ça? Dans les pays arabes. Ah, bis. Regarde. Naam. Falqit ou hirra, comme on y colle. Neuf marna, c'est le même sens. La mouradif, un synonyme. Voyez. Ensuite, la quatrième image. Hada himarun. Hada himarun. Himar, c'est un âne. Voyez, c'est un âne. Al himar, aqil ou ghayr aqil. Il a une raison, il n'a pas de raison. Non, rien. Tous les animaux, غير عاقلة. طيب. كل الحيوانات مثل هذا, les animaux rentrent dans غير عاقل. طيب. Ensuite, il montre une autre image, il dit أي هذا حمار تقول لا هذا حصان. Maintenant, c'est plus un âne. L'image en dessous, c'est un cheval. طيب. Donc on dit Hissan. Le cheval c'est Hissan. Un cheval, on connaît la différence entre un cheval et un âne. Le cheval c'est plus grand. Vous voyez, c'est une manière plus noble. C'est plus fort. Plus rapide. Pas d'autre qualité. Et c'est plus cher aussi. Hein? Et chez les oreilles. L'âne a des grandes oreilles. Et l'âne est réputé pour être, pour pas être intelligent et pour être buté, comme on dit. L'âne ou le mulet. Pas mal. Ensuite, il vient qu'il y ait une autre image, un autre animal. Wama hada. Vous voyez, wa, c'est ça veut dire et. Là, ici. Donc, et, quelle est cette chose? Wama hada, d'accord, hada jamalun. Jamal, c'est le chameau. Vous voyez, jamal, c'est le chameau. Hada jamalun. Donc tous ces animaux sont muzakkara, sont tous masculins, mufrada, c'est tous des singuliers, ou ghayr aqil. Pas mal. Donc tu lances, s'ils sont proches, tu dis hada, et si tu interroges sur eux, tu dis ma. Vous voyez, ma hada, hada jamalun. Ma hada, hada hisanun. Ma hada, hada qittun. Ma hada, hada kalbun. Ainsi de suite. Après, il montre un autre animal. Ma hada, hada dikun. Le dik, c'est le coq. Andek Abdel Kader, si tu veux acheter un poulet, qu'est-ce que tu lui dis au tajir? Dik. Ça, c'est le prix, ça. La chose que tu veux. Comment tu vas l'appeler? Il va te dire. Ech turid, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire uridu, dikem? Tu veux indiquer le poulet en disant dik? C'est une question vocabulaire là, je pense. Il y a quelqu'un qui va y avoir. Tu veux dire quoi? Quel mot tu vas employer pour le montrer le, si tu veux parler du poulet? Hada. Non, ça c'est l'indicatif. Maintenant l'animal en lui-même. Comment tu vas l'appeler? Dick? Ah ben non, justement, si tu dis ça, il va rigoler. Dick c'est le coq. Tu dis Daja Aja. Pour dire poulet. Si tu dis Dick, il va rigoler. Ou si c'est quelqu'un marche à la boîte d'aile, il va te corriger, tu vois. Généralement, ils vont rigoler. Le plus souvent, ils vont rigoler, tu vois. Donc tu lui dis Daja Aja. Attention, ne tombe pas dans le piège. Daja Aja, c'est la poule ou le employé pour le poulet. Dis pas Dick. Dick, c'est vraiment le coq. Ouais, c'est tu vois, le coq en lui-même. En général, ils disent oui, mais en te corrigeant. Ils disent ouais, c'est un dieu. Hein? Je dis, en général, ils disent oui, mais en te corrigeant. J'ai jamais entendu quelqu'un dire Dick. Ouais, mais ça, tu verras pas me dire Dick. Si, moi, yeah, Hab Dick. Déjà, ils vont rigoler. Tu vois? Ils vont rigoler quand tu lui dis Abba. Même toi, demain, tu vois pareil en France, ils disent donne-moi un coq. Pas seulement du coq, mais généralement, il va dire du poulet, quoi. Ouais. Ouais. Mais tu peux manger du coq. Ça se mange le coq. Halal. Donc, ma hada, hada diikun. Vous voyez, diik, c'est le coq. Maintenant, il revient à Aqil. On voit une image avec un homme qui écrit sur un tableau et des enfants derrière. Donc, on suppose que c'est un enseignant avec des élèves. Donc, il dit, man hada, en indiquant l'homme en lui-même qui est debout. Man hada, hada mudarrisun. Vous voyez, hada mudarrisun. Un mudarris, c'est celui qui darris. C'est l'enseignant. Vous voyez, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Et il y a d'autres mots. Et ils emploient le mot aussi, oustaz. Ouais. Tu vois, tu entends aussi le mot oustaz. Mais le mot oustaz, c'est pas un mot arabe d'origine. Pareil. Ça fait plus chez nous. Oustaz, c'est un mot réputé dans la langue arabe, aujourd'hui très répandu, mais son origine n'est pas, enfin, n'est pas arabe. Je crois que c'est plutôt un mot qui a dû être pris, vous le verrez dans le livre qui s'appelle Kawakib, quand ils étaient andalous en Espagne. Tu regardes, oustaz, ça ressemble plus au mot espagnol. Et comme les Louvoussim, ils avaient conquis ce territoire, il y a dû des mots ont dû se mélanger, tu vois, et oustaz, à l'époque des Sarabats, on dit oustaz, ils n'auraient pas compris. Oustaz, c'est un mot aujourd'hui qui est réputé, tu vas le trouver chez les Arabes, pleinement ni complètement employé. Cependant, ce n'est pas un mot d'origine purement arabe. T'as-t-il? Et un mot comme ça s'appelle un mot mu'arrab. C'est un mot qui a été arabisé. Tu vois? Pareil, dans la langue arabe, tu as trouvé des mots qui ont donné des origines de la langue perse. Tu vois? Par exemple, ce vêtement que tu portes sur toi en dessous, comment tu l'appelles toi? Sirwal. Sirwal. Ben, sirwal, par exemple, c'est un mot d'Arija. Le vrai mot qui était employé à l'époque des Sahaba, c'est Sarawil. Tu vois? Sarawil, c'est venu dans des hadiths dans le Hajj. Taïeb? Ça s'appelle Sarawil. Et Sarawil, à la base, c'est pas un mot arabe, c'est un mot Faris, c'est un mot perse. Et qui est employé par les Arabes. Donc ça s'appelle un ism mu'arrab, un mot arabisé. Mais Sirwal, ça c'est un mot jadid. Tu vois? Si tu vois par exemple, tu vois dans le Kamus, l'islam arabe, les gros dictionnaires de langue arabe, tu vois pas trouver Sirwal. Tu cherches à Sarawil. Sarawil. Sarawil. C'est quoi? Sarawilat. C'est avec son apparence, une apparence de pluriel, ouais, voilà, mais en fait, c'est comme ça qu'il est. Et tu dis Sarawilat. Et il s'appelle comment en arabe là? Sarawil. En vrai arabe, oui. En vrai arabe, c'est Sarawil. Ah, bon, comment en vrai arabe? Ils ont employé le mot Sarawil. Ils l'ont employé des Perses. D'accord. Ou un Bantal. Mohamed, Bantal ou Bantaloun, c'est un mot arabe? Bantal, ailleurs. Déjà. Hein? Je pense pas. Hein. C'est ni, le mot n'est ni arabe, le vêtement n'est pas musulman non plus. Bantal, ça n'en découvre pas, pleinement. Voilà. Et le hukm authentique sur le pantal, c'est qu'il n'est pas permis. C'est un tchabou, mais le koufar. Mais je vois pas ce qu'il y a dans le pantal. Mais ce qui est plus fin et plus serré. Et est-ce que les koufars portent en général, c'est pas le sarawil, les koufars. Tu vois? C'est-à-dire, en fait, comme Shariha l'a dit, quand tu vas au souk, quand tu vois un sarawil, c'est que c'est un sarawil, et quand tu vois un pantalon, c'est que c'est un pantalon. Tu vois? La différence, c'est. Enfin, il n'y a pas de définition, tu vois, avec. La différence, on la connaît quand on les voit les deux. Bien que certains pantalons sont amples. T'en as des pantalons amples, ça existe. Tu vois, ça existe. Mais un sarawil serré, ça n'existe pas. C'est plus un sarawil. Tu vois? C'est plus un sarawil. Non. Donc on revient au def. En dessous, il montre une troisième image. Maintenant, il nous montre quoi? Ceci, non tissu. Aïwa. Salawai, c'est l'écrit comment? Je t'en décris. C'est un sin, un ra, un waw, un ya, un lem. Sarawil. Yep. Sarawil. Et il y a un hadith, authentique venu. Dans le hadith, je ne me rappelle plus du love du hadith. Mais le Nabi Sarim est collé sur le. Dans le Ramdat al-Ahkam, tu peux le trouver en premier dans le Bab Hajj. Et ici, Ramdat al-Ahkam. Non. Et je ne me rappelle plus dans le hadith, mais il dit Man la majid Khufayn, Fala Bethni Alan, wa Sarawil. Celui qui ne trouve pas de chaussettes en cuir, de Aïdam, qui prend des chaussures, qui les coupe et qui se revêtise de Sarawil. Voilà. Je ne m'en rappelle plus du hadith, en tout cas, c'est discuté dedans. Donc, Nabi Sarim l'a dit, on a pu discuter, le mot est envoyé, hadith authentique, je crois que c'est musulman ou. Je crois que c'est non musulman aussi. Et voilà. C'est-à-dire que tu peux marcher uniquement avec ça? C'est Yajouz, la c'est Makrouh. Et aussi au Yémen, ça va être très mal vu. En fait, ça dépend, comme tu as dans le fiqh, al-adat ou al-urf, mortabaram, c'est-à-dire les coutumes et les habitudes des pays sont des choses considérées. Tu vois? À la base, Machan Sarawil, c'est halal, il n'y a pas de nof qui l'interdit. Mais seulement, c'est une chose qui n'était pas faite à l'époque du prophète Sarawil, mais tu n'as pas un texte qui l'interdit. Okay. Tu peux, mais ça va être mal vu. Non, mais même donc, c'était pas fait. Non. Mais ça ne veut pas dire que c'est haram, tu vois? Ça veut dire que c'est haram. Mais si tu fais au Yémen, les gens vont comprendre direct. Ils vont dire, Yahi, il baisse Kamis, c'est un abdol. Ils vont dire, non, Kamis, c'est mieux et tout. Là, là. Tu tombes sur un qui a un bon comportement. Tu tombes sur un villageois ou quoi, il va te voir, ah, Inch'Allah, Takallah, Istahi. Il va dire, eh oh, qu'est-ce que tu nous fais là et tout, tu vois. Et mais le Izar, seulement ça. Izar, seulement ça, c'est ça, tu peux mettre le Izar. Non, il n'y a rien. Le Izar, il y a des nusus qui fait que le Sahaba, il portait le Izar. Le Sahaba aussi, il a porté le Izar. Il y a des textes qui le stipulent. Et c'est un vêtement, tu vois, au Yémen, très, très répandu. C'est vrai que demain, tu vas en Algérie. Je pense pas qu'il y ait pas de l'Isar en Algérie. Tu vois. Moi, je rappelle en Égypte, une fois avec un fond d'apporter l'Isar, ils ont rigolé. Ah, ils ont rigolé. Et ils ont rigolé. Mais bon, ce qui a rigolé, c'est que t'as un pantalon, chemise, tu vois, rasé. Ouais. En tout cas, l'Isar, c'est pas un vêtement qui est répandu chez eux. Mais c'est pas, ils connaissent pas les tu vois, en Saoudi, pareil, je pense qu'ils le mettent à la maison. Saoudi, si, dans la rue. Dans la rue. Hein. Peut-être pas un Saoudien, peut-être des étrangers. Ouais. Tu vois, mais les Saoudiens eux-mêmes, ils portent pas de l'Isar. Ça, je pense pas. Ils n'ont jamais été, mais. Hein? Ils connaissent, ils savent que les coutumes des Arabes, tu vois, c'est... Mais en tout cas, au Yémen, vraiment, c'est un truc qui est porté. Au Somal, en Somalie aussi, ils portent le Izar, beaucoup. Tu vois, en Indonésie, ils portent le Izar, beaucoup. Peut-être plus que le Kamis, même. Ouais. Tu vois. Des pays, c'est vraiment le vêtement officiel. Et d'autres pays, c'est en tout cas, c'est un vêtement musulman. Là-dessus, il n'y a pas de. Pas de khilaf. Donc là. Troisième image, Ehada Kamisun. Donc, il nous montre quoi? Il nous montre. Ça peut être employé pour serviette ou mouchoir. Sans tissu en tout cas. Mindil, vous voyez, ça peut être employé pour une serviette ou un mouchoir. Et ici, au Yémen, ils vont dire Faï. C'est un mot anglais. C'est en tissu. Sans tissu. Sans tissu, n'am. Et déjà dans un hadith de Maïmouna, fi bab al-ghusl janaba, falatitu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mindil, fa raddahu wa nafada al-ma bi yadi. C'est-à-dire, je suis venu pour lui proposer une serviette, pour qu'il s'essuie après qu'il ait fait le ghusl, mais il a refusé, il s'est essuyé, il a enlevé l'eau avec ses mains. Vous voyez? Et ça peut être aussi pour mouchoir, pour se moucher, mais sans tissu en tout cas. Vous voyez, sans tissu. Non. Ça y est. Là, il expose de nouveaux exercices. Il dit Ikra waktub. Ikra, il y a Abdel Kader. Lis, j'ai écrit. Mahada, hada kalimun, man hada, hada tabibun, ahada kelbun, la hada kitun, ahada hisanun, la hada himaran. هذا ولد نعم هذا كلب هذا جمال هذا دك نعم هذا منديل من هذا هذا رجل نعم ورجل طيب Que faut que j'attende le frère qu'on m'a donné. On lui a demandé où est-ce qu'il l'a fait. Elle est bafou. Il n'y a que qu'il vend. Ah non. Hier, je suis allé, j'ai regardé si les autres livres aussi y avait, mais en fait, il y a des gens qui sont tombés sur le monde. Il m'a fou, Mara. Man, ma, a, wahada. Ça y est. Natrou, tu def. Astani. Trouve dans le deuxième def. Il est court, Inch'Allah. Si le premier est compris, le deuxième va être rapide, Inch'Allah. Maintenant, c'est Daf, Zalika. Zalika, c'est un ism ishara. Pareil que Hada. Zalika, ism ishara. Misl Hada. Également, Zalika, yustardam, il s'emploie pour al-muzakkar. Voyez, al-muzakkar. Al-Mufrad. Maintenant la question c'est quelle est la différence entre Zalika et Hadha. Hadha, on a dit que c'est pour ce qui est Qarib, ce qui est proche. Et Zalika, c'est pour ce qui est plus loin, plus éloigné. En fait, c'est ça la différence entre les deux. Voyez. Fazalika, ism ishara, l'il-mufrad, al-muzakkar, al-ba'id, qui est éloigné. البعيد مفرد يعني ألف لا مفرد بدون ألف مفرد هكذا بدون مد البعيد البعيد نعم هيك يا باء عين يا دل بعيد qui veut dire loin éloigné donc c'est là c'est ça le فرق la différence entre les deux اسم إشارة c'est que هذا للقريب وذلك للبعيد Bien qu'il est permis que tu emploies Zalika pour une chose qui est proche et Hazar pour une chose qui est loin. Ce n'est pas un truc qui est mutlaq, catégorique, absolu. Vous voyez ? Ce n'est pas catégorique. Vous voyez ? Soit l'awel. Ma Zalika. Maintenant, on a dit vers quoi ? Ma Zalika. D'accord ? Zalika Najmoun. Quand on t'aurait dit Ma Hazar, Hazar Najmoun. Fal en, il veut peut-être indiquer une étoile dans le ciel. Vous voyez ? D'accord ? Fal, un rajoul. Yushir, il est sa main, il indique vers le ciel et dit Ma Zalika, pour dire que c'est loin, cette chose que tu vois au loin, il dit Zalika Najmoun. Vous voyez ? Et également, tu peux l'employer Zalika pour une question secondaire. C'est-à-dire, tu indiques en premier une chose primaire avec Hada et tu indiques la deuxième chose par Zalika, comme ça va venir dans la question qui arrive là. La Salem, là on a deux images. Masjid wa bayt. Lui dit Hadha masjidun wa dhalika baytun. C'est-à-dire le premier c'est un masjid et le deuxième c'est une maison. Vous voyez ? Pourtant la maison elle est à côté du masjid. Mais elle vient en deuxième. Ben Salam m'a dit Hadha Muhammadun wa dhalika Abdul Qadir. Vous voyez ? Hadha Hisanun wa dhalika Hibarun. Il dit pourquoi ? Parce que le Hisan il est en premier, le plus proche, et le Hibar il est en deuxième. Donc, il dit Hadha Hisanun wa dhalika Hibarun. Il dit Azalika Kalbun. Ça coule. A, on revient avec A. A, Zalika Kalbun. Hamzat al-Sifham. Al-Jawab, la réponse La, Zalika Qittun. La, Zalika Qittun. Est-ce que c'est un chien ? Non. C'est un chat. Et en français, on va traduire Zalika comme Hada. Ceci, cela. Et ça aura le même mot. Ma Zalika. D'accord, Zalika Sarirun. Sarir, c'est le lit, comme vous l'avez compris. C'est aussi le divan. Tu vois. Ma Zalika, pour indiquer que le lit il est un peu plus loin, il dit Zalika Sarirun. Ensuite, il donne avec une question sur deux individus. Le premier, c'est le mudarris, comme vous pouvez le voir avec les toulèbes derrière, les étudiants derrière. Et deuxième, c'est un imam. Vous voyez comment ? Avec les moussalliyoun, ceux qui font la salade derrière lui. Vous voyez ? Donc on peut comprendre avec l'image qu'il s'agit d'un imam. Donc il dit « Man haza » est le plus proche, « Wa man dhalika » le plus éloigné. « Takul haza mudarrisun » wa dhalika imamun » Vous voyez ? Il l'indique en premier, le mudarris parce qu'il vient en premier, et dhalika pour l'imam parce qu'il vient en deuxième. La foum, là ? T'as compris ? Ça y est. Notre question, ma zalika. Bon, maintenant, si on ne sait pas, on pourrait vraiment ne pas trouver ce que c'est, s'il n'avait pas écrit. Ouais. Parce que c'est dur à décrire, mais zalika hajarun nam. Mais si on t'enlève le mot, tu peux trouver. C'est pas obligé de savoir que c'est une pierre, c'est peut-être trop de choses, tu vois. Mais lui veut dire une pierre. Zalika hajarun. Et hajar, tu l'emploies aussi pour les choses qui sont. Qui diffusent l'énergie. Par exemple, les piles, en arabe, ça se dit hajar. Voyez ? Aujourd'hui, ils disent bataria. Voyez ? On sait que bataria, c'est une batterie et on sait que c'est pas un mot arabe. Mais en vrai, tu dis, par exemple, tu veux de ken, tu veux des piles, tu dis hajar. C'est mon frère là. Hajar nam. Ou hajar, ça veut dire c'est achar. Ça viendra après le. C'est un autre derf, le jam, le pluriel. Donc hajar, c'est une pierre et tu l'emploies aussi pour les piles. Parce qu'il n'y a pas de piles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, aujourd'hui, à notre époque, ça s'emploie sur la pile aussi. Dans le fasra, tu vas dire hajar. Ça y est, tu vas d'ici, ils vont comprendre tout de suite. Tu vois. Ils n'ont pas perdu ça, tu vois. D'ailleurs, le Yémen, ça défie où l'arabe est peut-être resté le plus pur. Tu vois. Par rapport aux autres pays. Où il sera le mieux parlé. Même dans le peuple, dans les gens de la rue, c'est peut-être le pays où tu vas aller trouver les gens qui sont le plus proche du fasra, ça va être eux. Tu vois. Taïeb. Summa, il montre Hada Sukkarun Wazalika Labanun. Donc tu vois un petit assiette avec la cuillère, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du sucre. Sucre, ça dit Sukkar. Taïeb, Sukkar. Donc Hada Sukkarun, parce qu'il est plus proche, Wazalika Labanun. Et le Laban, il est dans le verre. Donc le Laban. Lui veut dire par là halib, le la halib, ha lam ya ba. Ça y est, et ça peut être aussi le leben, ce qu'on appelle en France le lait caillé. Voilà, c'est pas pareil, le halib, c'est le lait pur en âme. Tu vois, et le leben, c'est du lait qui travaille. Ouais. Mais aussi le leben, ça peut être aussi du haqin, comme ils disent. Tu vois, donc faire attention, ça dépend en fait des lieux des gens. Tu vois, ça dépend des lieux des gens. Et là, il veut dire du lait, non ? Lui, il veut dire du lait, là. Halib. Allah a'lam. Le Zohar, qui veut dire du lait. Mais sinon, le vrai mot pour le dire lait, ce qui vient de la vache, c'est halib. Halib. Halem yab. Halib. Halib. Il dit, ikra waktub. Donc maintenant, on est toujours dans l'asma ishara. Hada wa zalika. Halib. Wa asma istifham. Ma. وَمَنْ وَأَ اِكْرَوْ يَا مُحَمَّدْ هَذَا سُكَّرٌ وَذَلِكَ لَبَنٌ مَنْ ذَلِكَ ذَلِكَ إِمَامٌ أَذَلِكَ قِطٌ وَأَذَلِكَ كَلْبٌ لَا ذَلِكَ كَلْبٌ مَا هَذَا هَذَا حَجَرٌ نعم donc on se dit الْكَلِمَاتُ الْجَدِيدَةُ Yed kalimat, c'est le pluriel de kalima, c'est-à-dire les mots. Jadida, c'est nouveau. Nouveau mot, voyez, nouveau vocabulaire. Imamun marlouf. L'imam, c'est connu. Ça peut être celui qui dirige la salat, ça peut être un grand savant, quelqu'un qui est pris comme exemple dans ce qu'il fait. Ça peut être le gouverneur, quelqu'un qui guide. Voyez, imam, c'est pas forcément dans le mosaïque, finalement. Hajaroun, c'est la pierre, comme on a dit. Sukkaroun, c'est le sucre. L'abadoun, c'est on va dire le lait. Donc le khurasa, le récapitulatif du dirs haql yom, on a pris zalika. Vous voyez, zalika, c'est un nouveau ism ishara pour indiquer al-mufrad, singulier, al-muzakkar, le masculin, al-ba'id, qui est éloigné. Ou secondaire. C'est zalika, am-zalika. Zalika, avec Ahmed. Il ne s'écrit pas, mais il se prononce. Tu peux le mettre, non, le petit. Ça, c'est, non, en fait, ذلك انا يسكت دو افات دو هذا شو لي بار افات هان سي دو هذا هذا تي ليكري با الالف ان فات لو بتي نو بلو ها Ah mais dans Zalika aussi, il y est pas là. Mmh. Dans Zalika Mafi, il y a lui. Lui, c'est un signe pour te dire qu'il y est. Tu vois, un petit signe pour dire qu'il y a un mec. Il s'écrit pas, mais il se prononce. Mais là, il t'a fait un petit signe, pourquoi Pour que tu saches qu'il y a... Vous voyez? Parce que moi, j'avais vu que tu pouvais soit l'écrire, soit pas l'écrire. Mais le petit, pas le grand. Ah ouais. Le petit. Non, on le met pas alors, en fait. Je crois que tu peux l'écrire aussi. Tu peux l'écrire aussi, le Zalika. Oui, dans la prononciation, tu le dis. En tout cas, ouais, il est important. De ce que je me rappelle, tu peux mettre aussi le Alif, mais en Zalika, tu peux l'écrire. Ça fait un avec de Imla. Tu vois. En tout cas, il est présent. Hada wa zalika. Voyez. Ma foum, d'ailleurs, salut. Fa ila huna. Subhanaka al-Bawdhik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.